إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui on commence le cours numéro 6 dans l'explication de Al-Arba'un al-Nawawi, le 40 hadith de l'imam al-Nawawi, et on est toujours dans le deuxième hadith de, parmi les 40, on est dans le deuxième hadith, et c'est le hadith de Jibril. Le hadith de Jibril, dans lequel il y a l'explication de l'islam, de l'iman, et de l'ihsan, et quelques signes de la fin des temps. Donc là, on est rendu, on a fini pour les cinq piliers de l'islam. On a parlé de ça, on a expliqué. Maintenant, on va faire les piliers de la foi. L'iman, qu'est-ce que c'est? Donc, le shaykh, il dit, ثم سأله عن الإيمان. فقال أخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان هو هذه الأركان الباطنة. Le shaykh il dit que après Jibril il a posé la question au sujet de l'Iman et il a demandé au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم informe-moi au sujet de l'Iman. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'iman c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier et de croire en la prédestination, de croire en ce qui est bien et ce qui est mal dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala, que tout ça ce qui nous arrive de bien ou de mal, que tout ça c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'iman c'est six piliers-là, qui sont les six piliers des choses qu'on doit croire avec notre cœur dans ces choses-là. C'est les six piliers de la foi. C'est des choses qui sont à l'intérieur. Cette foi-là, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est caché. Tandis que les cinq piliers qu'on a expliqués au début sont des choses qui sont apparentes. Donc, c'est les piliers de l'islam qui sont apparents. Maintenant, on parle des six piliers de la foi. Ce sont des choses cachées, des choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Et le cheikh, il dit... وهو في اللغة التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك أما في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولا يدخل فيه العمل هذا قول مردود فلا بد من العمل ولا يكون الإنسان مؤمنا بدون العمل حتى ولو صدق بقلبه ولو نطق بلسانه ولم يقم بالعمل وليس له عذر يمنعه منه فليس بمؤمن لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان مقرونا بالعمل في كثير من الآيات ولم يقتصر على ذكر الإيمان فقط قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته أو إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Cheikh explique que dans la langue arabe, la définition linguistique du mot iman, c'est at-tasdiq al-jazim. C'est-à-dire, c'est de reconnaître la véracité de quelque chose, de reconnaître que quelque chose est vrai et de le reconnaître avec fermeté et avec conviction, sans aucun doute, en n'ayant aucun doute en cette chose-là à laquelle on croit. Et dans la charia, dans la définition de la foi selon la législation, selon les révélations, le Coran et la Sunna, la définition de la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance dans le cœur, une action avec le corps. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Ça, c'est la définition de la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a, telle que c'est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc, on voit qu'il y a une réalité linguistique à la signification du mot iman, une réalité linguistique, et il y a une réalité par rapport à la révélation. Par rapport à la révélation. Donc, il faut bien comprendre cette différence-là entre la définition linguistique et la définition religieuse. La définition religieuse. Pourquoi? Parce que souvent, des gens tombent dans des erreurs au sujet de la compréhension de l'islam parce qu'ils se limitent à la compréhension linguistique des termes islamiques. Et à cause de ça, ils tombent dans beaucoup de problèmes parce qu'ils limitent la foi à quelque chose qui est uniquement dans le cœur. Et c'est comme ça que les gens de Bid'a sont égarés à ce sujet-là. Donc, quand on retourne au Coran, quand on retourne à la Sunna, on remarque que la foi, c'est plus que juste quelque chose qui est dans le cœur. On voit que, comme les gens d'Ahl Sunnah l'ont défini, c'est une parole avec la langue, c'est une croyance avec le cœur, et c'est une action aussi avec les membres de notre corps qu'on fait. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. Donc ça, c'est la définition de l'Iman selon Ahl Sunnah wal Jama'a. Il y a des groupes qui ont dévié au sujet de la foi et au sujet de la définition de la foi. Ils sont tombés dans l'égarement à ce sujet-là. Et parmi ces groupes-là qui ont dévié, il y a la secte qu'on appelle la secte des Murji'a. Al-Murji'a. Et ceux-là, eux, ils disent que la foi, c'est juste qu'est-ce qui est dans le cœur. Tu crois avec ton cœur que quelque chose est vrai, ça y est, c'est fini. Tu crois que l'islam est vrai dans ton cœur, que Allah existe dans ton cœur, ça y est, c'est suffisant. Même si tu dis rien avec la langue, même si tu fais aucune action parmi les actions de la foi, ça, c'est pas grave. T'as dit ça que t'as dit dans ton cœur, tu crois dans ton cœur que ces choses-là existent et que c'est vrai, ça y est, t'es croyant. Peu importe qu'est-ce que tu dis, peu importe qu'est-ce que tu dis pas, peu importe qu'est-ce que tu fais pas, c'est pas grave. Et il y a une autre catégorie de Murji'a. Eux, ils font rentrer la parole de la langue avec la croyance du cœur, mais ils ne font pas entrer les actions du corps dans la foi. Donc ils disent que la foi, c'est la parole de la langue et la croyance du cœur seulement. Mais les actions du corps n'entrent pas dans la foi selon cette catégorie de Murji'a. Donc ça, c'est une parole qui est rejetée selon la définition du Coran et de la Sunna et de la position des Salaf Salih. Une personne ne peut pas être un vrai croyant et considéré comme étant un croyant sans les actions. Même si il reconnaît de la véracité de quelque chose dans son cœur et qu'il le dit avec sa langue, s'il n'a pas appliqué l'obligation et les implications de la foi dans ses actions et dans ses gestes, sans excuse valable qui l'empêche de l'appliquer, alors il n'est pas croyant. Si quelqu'un s'abstient de faire les actions qui sont nécessaires pour être un croyant sans excuse, il n'est pas un croyant dans ce cas-là, comme le cheikh il le dit. Même s'il dit avec sa langue « Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah » et puis qu'il ne fait aucune action des obligations de l'islam et qu'il n'a pas d'excuse pour ne pas le faire, alors dans ce cas-là, il n'est pas un croyant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a mentionné la foi dans le Coran, il le mentionne toujours associé avec les actions. Et vous allez voir ça dans plusieurs versets. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Inna alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa amilu salihat, et qui ont fait les bonnes œuvres. Donc tu ne peux pas séparer la foi des actions. Les deux vont ensemble. Et le cheikh il dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets, donc il ne mentionne pas seulement la foi tout seul, il mentionne toujours les bonnes œuvres avec. Comme dans le verset 2 à 4, dans Surat Al-Anfal, il dit, les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on leur mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. Hein? Et lorsqu'on leur mentionne les signes ou les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela augmente leur foi. Et qu'ils mettent leur confiance et leur, qu'ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc ça c'est la, ça c'est des descriptions d'un croyant. Tu vois? Les différentes descriptions pour définir c'est quoi un vrai croyant. La croyance c'est pas quelque chose qui est défini par la raison ou par notre intelligence, qu'on essaie de le comprendre philosophiquement. Qu'est-ce que c'est la foi? Puis on commence à débattre avec un café fort pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de définir la réalité de la foi philosophiquement. Non, ça c'est pas comme ça dans l'islam. Si tu veux connaître la réalité d'une chose puis comprendre la signification d'une chose dans l'islam, c'est en retournant aux versets et aux signes et aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est uniquement définissable par la révélation. Et donc quand tu regardes dans les versets dans le Coran, Allah il te décrit c'est quoi les croyants. Un croyant c'est quoi? Et là, il donne des exemples dans ce verset-là. Il dit, c'est sûr que lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Donc ça, c'est un degré de la foi. Et lorsqu'on leur mentionne les versets d'Allah, ça augmente leur foi. Ils sentent leur foi augmenter. Et ils mettent leur confiance en Allah. Tout ça, c'est des actions du cœur. Ça fait partie de la foi. Ça montre que les actions du cœur rentrent dans la foi. Et ensuite, il dit, Alladhina yuqimuna as-salat, ceux qui établissent la salat et qui donnent de ce que Allah leur a, qui dépendent de ce que Allah leur a donné. Donc ça, ça veut dire que c'est des actions du corps. De faire la salat, il y a des gestes, il y a des mouvements, il y a des paroles dans la prière. Ça, ça fait partie de la foi aussi. Les vrais croyants, ils font ça. Et ils donnent de ce que Allah leur a donné pour en sadaqa et des choses comme ça, ou bien zakat, ou ils dépensent pour leur famille, et des choses comme ça. Donc ça, ça fait partie aussi des actions, et ça, ça fait partie aussi de la description des croyants. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit ? أولئك هم المؤمنون حقا. Ceux-là, ce sont حقا, ça veut dire en vérité. C'est-à-dire, ceux-là sont les vrais croyants. En vérité, ce sont eux les croyants. Donc, un croyant, c'est ça. Et il mentionne un autre verset, qui est le verset 10 dans Surat Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les croyants sont uniquement ceux qui croient en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas de doute, qui ne doutent pas, et qui luttent. Et qui luttent dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là sont les véridiques. Voilà des définitions et des explications de ce que signifie la foi. Pas par la philosophie, par les preuves de la révélation. Ensuite, le cheikh il dit, وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأنه قال أفضلها قول لا إله إلا الله، وهذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان وهذا في القلب، فدل على أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة، فمن ترك العمل نهائيا نهائيا ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانية العمل فإنه ليس بمؤمن، أما من ترك بعض العمل فهذا قد يكون كافرا وقد يكون ناقص الإيمان، فإذا ترك الصلاة فهو كافر كما في الأحاديث والآيات، أما إذا ترك شيئا من الأعمال غير الصلاة فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان كأصحاب الكبائر التي دون الشرك. للشيخ الزي il y a également un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم dans lequel il dit que la foi c'est 70 et quelques ou 60 et quelques branches. La meilleure d'entre ces branches c'est de la parole de la ilaha illallah. Ça c'est la plus haute. Et la plus basse des branches de la foi, c'est d'enlever quelque chose du chemin qui peut être une cause de nuisance ou qui peut faire du tort aux gens sur le chemin. Donc ça c'est une branche de la foi aussi, d'enlever quelque chose dans le chemin qui nuit aux gens. Et donc ça c'est une action. Et ça prouve que les actions font partie de la foi. Et après il dit والحياء شعبة من الإيمان. Et la pudeur, la timidité, ça fait partie de la foi aussi. Donc le cheikh il dit, ce hadith, dans ce hadith il y a la preuve que la foi consiste ou comprend les paroles et les actions et la croyance. Les trois sont réunis dans la définition de la foi. Le cheikh il dit la meilleure partie de la foi c'est de dire la ilaha illallah. Et ça c'est une parole avec la langue. Adnaha imatatul adha anit tariq. La plus basse des branches de la foi, c'est d'enlever quelque chose qui est dans le chemin, qui bloque le chemin. Ça c'est une action avec le corps. Et al-haya, c'est-à-dire la pudeur, la timidité, ça fait partie de la foi. Et ça c'est une action qui est dans le cœur. La timidité, la pudeur, c'est quelque chose dans le cœur. Et donc ça prouve que la foi, elle comprend ces trois aspects-là. La parole, la langue, hein, le cœur, la croyance dans le cœur, et les actions avec le corps. Ça c'est la foi en entier. فَمَنْ تَرَكَ. Donc celui qui abandonne complètement les actions, hein, et qui ne fait rien alors qu'il a la capacité, et qu'il a la possibilité d'agir, de faire les actions de la foi, alors il n'est pas un croyant. Il dit, mais ceux qui abandonnent quelques actions, ou certaines actions, alors, c'est-à-dire ils n'abandonnent pas complètement toutes les œuvres et les actions de la foi, juste certaines, alors celui-là, il peut être kafir, ou bien il peut être faible dans sa foi, selon ce qu'il abandonne. Et le cheikh, il donne un exemple, il dit, s'il abandonne la salat, alors dans ce cas-là, il est kafir. À cause des hadiths et des versets à ce sujet-là. Mais s'il abandonne une autre parmi les actions autres que la salat, alors dans ce cas-là, il peut être croyant, mais avec une foi qui est faible, comme les gens qui ont des grands péchés, qui sont moins graves que le shirk. Donc, ça c'est l'explication du shirk. D'accord? Et on sait que par rapport à Tariq al-Salat, on a expliqué qu'il y a divergence entre les salafs au sujet de la position, est-ce qu'il est kafir ou non. D'accord? Mais le cheikh, sa position, c'est qu'il est kafir. C'est ça sa position. Et c'est pas un sujet qu'on peut, comme j'ai mentionné hier, c'est pas un sujet qu'on peut utiliser comme argument pour débattre ou pour essayer de critiquer certains, les accuser d'être des murji'a ou accuser certains d'être des khawarij. Parce qu'il y a des gens de bid'a, ils utilisent ça pour essayer de jouer avec ça, et ça c'est une erreur. الشيخ الزي ولا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن فمن اقتصر على الإسلام فقط دون الإيمان فهذا منافق وليس المنافقين أسلموا في الظاهر فإن المنافقين أسلموا في الظاهر وصاروا يصومون ويصلون ويعملون أركان الإسلام لكن ليس في قلوبهم إيمان فهم في الدرك الأسفل من النار وكذلك من آمن بقلبه ولم يتمثل أو لم يمتثل بجوارحه ولم ينطق بالشهادتين فإنه ليس بمؤمن لأن الإيمان بالقلب فقط لا يكفي وإنما الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان ولا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح وإلا فإن المشركين يؤمنون بقلوبهم واليهود والنصارى يؤمنون بقلوبهم بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقونه في قلوبهم ولكن ينكرون هذا في ظاهرهم قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون شيخ الزي il faut absolument que ton islam apparaît comme les cinq piliers de l'islam dont on a parlé dans les cours précédents, cet islam qui est apparent doit être accompagné également de la foi dans le cœur, et des articles de la foi qui sont dans le cœur. Celui qui a uniquement l'islam en apparence, dans l'application, dans les gestes, sans avoir la foi du cœur, celui-là il est un munafiq, un hypocrite. Parce que les munafiqines se sont convertis, ou bien se sont soumis à Allah en apparence, et ils ont commencé à faire le jeûne, à faire la salat et à pratiquer les piliers de la foi, les piliers de l'islam, à pratiquer ça en apparence, les piliers de l'islam, mais ils n'ont pas de foi dans le cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le plus bas niveau de l'enfer. De même que ceux qui ont cru avec leur cœur, mais qui n'ont pas appliqué la religion avec leur corps, et qui n'ont pas prononcé « al-shahadatayn ». Donc s'il y a des gens comme ça des fois, c'est déjà arrivé, je me rappelle, il y a des gens qui disent qu'ils veulent se convertir à l'islam, ils s'intéressent, et ils disent qu'ils étudient ou ils veulent apprendre. Et souvent, ils restent comme ça pendant des mois, à dire « on veut comme mieux connaître l'islam ». Et puis, ils viennent à la mosquée, ils prient avec les musulmans, ils font même parfois le jeûne et des choses comme ça, et puis ils ne disent pas encore le shahada. On ne dit pas encore le shahada. Ben c'est comme ça, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui les laissent faire comme ça. Hein? Non, non. Ils ne font pas le tashahud, ils font juste les mouvements de la prière. Ils ne savent pas comment quoi dire dans la prière. Donc, les frères, ils les laissent faire, alors qu'en principe, non, si quelqu'un il n'est pas musulman, on ne doit pas lui demander de faire la prière jusqu'à ce qu'il ait dit le shahadatayn. Après ça, il peut faire la salat, prier avec les musulmans, faire le jeûne et tout. Mais c'est pour dire que celui qui ne dit pas le shahada, il n'est pas musulman. Et celui qui ne fait pas les actions avec son corps, il n'est pas musulman non plus. Le cheikh, il dit, لأنه ليس بمؤمن لأن الإيمان بالقلب فقط لا يكفي. C'est pas suffisant d'avoir juste la foi avec le cœur. Il faut avec la foi du cœur qu'il y ait également les actions. إنما الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان. D'avoir la foi dans le cœur, c'est juste une des aspects de la foi. La foi dans le cœur, c'est une des trois aspects de la foi. Mais il faut qu'il y ait aussi les actions du corps et la parole également, le shahadatayn. Le cheikh il dit, donc, les mouchriquins, sinon les mouchriquins seraient des croyants eux aussi. Parce que les juifs et les chrétiens, ils croyaient au fond de leur cœur que le message du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai. Et ils croyaient ça dans leur cœur, ils acceptaient ça dans leur cœur. Sauf que, en apparence, ils le niaient, ils le rejetaient. Ils ne voulaient pas l'accepter ou le dire ouvertement. Comme Allah il dit dans le verset 33 dans Surat Al-An'am, nous savons que ce qu'ils disent, ça te rend triste, ça t'attriste de les entendre t'insulter ou de les entendre se moquer de toi ou de nier ta mission, des choses comme ça. Mais sache que c'est pas toi qu'ils traitent de menteur. Mais en réalité, les injustes sont en train de renier les signes d'Allah. C'est-à-dire, les mouchriquins, ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Amin. C'est l'homme qui est sincère, qui est fiable, qui est honnête. Il ne ment pas. Il est connu comme étant quelqu'un qui ne ment pas. Mais, ils ne veulent pas accepter ce qui vient d'Allah. C'est pas parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Peu importe qui est-ce qui viendrait dire la même chose, ils ne l'accepteraient pas. Parce qu'ils rejettent la vérité qui vient d'Allah. Hein? Mais parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est fiable, qui est honnête, qui est une personne qui ne ment pas, raison de plus pour qu'il l'accepte. Mais encore là, il refuse de l'accepter, parce que ce qu'il rejette, c'est pas de qui est-ce que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il rejette, c'est qu'ils n'acceptent pas la vérité qui vient d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est la preuve que si tu dis dans ton cœur, ou que tu reconnais dans ton cœur que oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vrai messager, mais tu refuses de dire le shahadatayn, t'es pas un vrai croyant. Et si tu fais pas les actions non plus. Donc il mentionne l'exemple de son oncle Abu Talib. Qala Abu Talib, Ammu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khayri adyan al-bariyati dina, lawla al-malamatu wa hadharu masabbatin, la ra'aytani samhan bidhaka mubina. فهو معترف بقلبه أن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن دينه أزكى أديان الخليقة ولكن منعه من التصريح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه لو آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لتبرأ من دين قومه وهو لا يريد هذا منعته النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية من أن يصرح ويظهر ما في قلبه حتى وهو في سكرات الموت يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله فيقول له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب فإن في وفي النهاية قال هو على دين عبد المطلب ومات وهو لم يقل لا إله إلا الله وكان من أهل النار مع أنه مؤمن بقلبه معترف بذلك كما في أشعاره الموجودة بين أيدينا والتي فيها التصريح والإقرار بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن دين المشركين باطل. الشيخ الزي également l'oncle du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui s'appelle Abu Talib, il disait dans un poème qu'il a écrit: j'ai su que la religion de Mohammed c'est la meilleure religion du monde. Et si ce n'était pas de la peur de me faire blâmer ou de me faire insulter par mon peuple, tu m'aurais vu dire ça ouvertement et clairement à tout le monde, que j'accepte la religion. Mais il avait peur de se faire insulter par son peuple. Il avait peur de se faire blâmer. « Oh, regarde, il a abandonné la religion de son père, etc. » Ben, il y a beaucoup de gens comme ça. Et même dans ma propre famille, souvent je me demande si c'est pas ça qui empêche certains membres de ma famille même d'accepter l'islam, parce qu'il y en a qui vont dire ah il a accepté l'islam à cause de son fils, la religion de il a abandonné la religion de ses parents, de son père, hein. Ou bien des fois c'est la fierté, parce qu'il y en a qui disent ah lui c'est mon fils. Par exemple, si c'est moi, je parle par exemple de mon père, ah lui c'est mon fils. Et si je deviens musulman, les gens, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont dire, ah, il a écouté son fils, il a suivi son fils. Ça, c'est la honte, parce que un enfant peut pas montrer à son père quelque chose. Hein? Ça se peut pas. C'est la fierté, le kibr. Hein? Même Ibrahim, alayhi salam, il a des problèmes avec son père aussi, à cause de ça. Et la même chose avec Abu Talib. Il voulait pas accepter la vérité qui vient de son neveu, parce que il a peur qu'est-ce que les gens vont dire. La même chose chez les Haïtiens, il y a ça aussi, hein, qu'est-ce que les gens vont dire si je deviens musulman, ils vont parler, ils vont me critiquer, des choses comme ça. Il y en a que ça les dérange pas, ils croient en Allah, ils acceptent la vérité, peu importe qu'est-ce que les gens vont dire, on accepte. Mais il y en a d'autres, des gens, ils sont sensibles aux critiques des gens, ils sont pas imperméables à la critique. Hein? Bon, alors ça c'est un problème dans ce temps-là. Le chef, qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit, il a reconnu dans son cœur, Abdul Muttalib, que son neveu était un messager d'Allah et que sa religion est une religion qui est la meilleure religion au monde. Mais il a refusé de le dire ça ouvertement et de le dire et de l'exprimer ouvertement pour faire plaisir à son peuple. Et s'il avait cru, alaykoum salam wa barakatuh, Faranaz, comment ça va, akhi? Hamza, salam alaykoum akhi, barakallahu fik, alhamdulillah, wa alaykoum salam kabir, comment ça va? Naam, y'a pas de problème, alhamdulillah, khair inshallah, ma fiche mouchkila, wa fika barak akhi. في كبارك إن شاء الله. أي نعم. donc c'est ça. s'il avait accepté la religion du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a peur de se faire insulter, des trucs comme ça. Tu vois? Il se serait désavoué de son peuple. Et il veut pas se désavouer de son peuple, hein, parce que il est attaché. Et donc c'est ça le problème. Donc il veut pas ça, et puis l'attachement à son peuple et à sa tribu et la fierté, tout ça, la jahiliya, il peut pas s'en débarrasser. Il y a un frère, la même chose, il y a un espoir Allah, j'ai rencontré un frère en France, il est d'origine du Sri Lanka, puis il vient d'une famille hindoue, puis il s'est converti à l'islam. Et mashallah. Et puis il m'expliquait comment avant l'islam il était un fervent pratiquant de la religion hindoue. il allait dans les temples et il offrait des adorations pour les statues, les idoles, comment il les prenait comme des intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'expliquait, il dit, c'est exactement comme tu dis dans tes cours, comment tu parles à propos des mouchriquines, des arabes, c'est exactement comme ça chez nous, les hindous. Et j'ai pratiqué ça et tout ça, et puis quand je suis devenu musulman, j'ai des gros problèmes avec la famille. Pour eux, le problème, c'est qu'il a, parce qu'en Inde, il y a plein de religions, il y a plein de dieux. Tu peux croire au Dieu que tu veux, adorer ce que tu veux, faire ce que tu veux, tant que tu restes dans la tradition des hindous, puis dans leur culture, tu peux adorer ce que tu veux, ça ne dérange pas. C'est comme ici la laïcité, tant que tu acceptes le système, tu peux croire en ce que tu veux, ou nier ce que tu veux, mais tu restes dans les limites du système. En fait, la religion des hindous, la religion des polythéistes, des idolâtres, c'est la même chose. Tu crois ce que tu veux, tu adores ce que tu veux, mais tu ne sors pas de notre contexte, de notre système, ou de notre coutume. Mais quand tu rentres dans l'islam, ça cause un problème. Parce que tu sors complètement, tu te désavoues de ce qui est contraire à la vérité, de ce qui est contraire à Allah et de ce qui est en opposition avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le rejeter, tu dois t'en désavouer. Donc, ça crée un problème. Et là, c'est la guerre maintenant entre lui et sa famille. Tu vois? Donc, mais c'est pour faire comprendre un petit peu, c'est ça, l'attitude que les gens, il y en a qui ne veulent pas avoir ce problème-là avec leur famille et accepter la vérité. Donc, le fait de reconnaître que l'islam est vrai dans son cœur, mais sans le dire ouvertement, puis sans se mettre, disons, ouvertement en opposition avec ce qui est contraire à l'islam, c'est pas suffisant pour être un musulman. Comme Abu Jahl, qui disait, oui, je crois que mon neveu, sa religion est vraie, mais il voulait pas l'accepter. Et même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que son oncle était dans l'agonie, hein, il était en train de mourir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de lui dire, accepte l'islam, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Et les autres oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des mouchriquins, ils étaient là avec lui, ils disaient, Abu Jahl et les autres disaient, est-ce que tu vas abandonner la religion d'Abdul Muttalib? Est-ce que tu vas abandonner la religion de ton père et de ton grand-père et de tes ancêtres? Donc, à la fin, il est mort, il a dit, je reste sur la religion d'Abdul Muttalib, a'udzubillah. Donc, il est mort sans dire la ilaha illallah. Et à cause de ça, il est parmi les gens du feu, parmi les gens de l'enfer. Hein? Donc, même si dans son cœur il avait reconnu que le message de son neveu était vrai et qu'il était un messager d'Allah, ça ne peut pas le sauver. Hein? Comme on l'a vu dans le poème qu'on a lu tout à l'heure, on a vu qu'il reconnaissait ça. On a encore ce poème-là, qui est le poème de Abdul Muttalib, le poème d'Abu Talib, qui mentionne justement qu'il reconnaissait la religion, que c'était la meilleure religion au monde et que c'était un vrai messager. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, il est resté sur la fausse religion des mouchriquins et il a refusé de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oui, dans la tombe, il y a une fenêtre qui est ouverte vers le paradis ou bien vers l'enfer selon les actions de la personne. Non. Non. Il y a les martyrs qui vont être dans le paradis. Les martyrs, ils sont dans le paradis dans des oiseaux verts. Oui, maintenant. Ils sont dans des corps de petits oiseaux verts qui volent dans le paradis et ils vont se poser sur des lanternes qui sont en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire revenir dans ce monde. Parce qu'Allah leur demande, est-ce que vous voulez quelque chose d'autre que ça? Ils disent, non, oh Allah, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus alors qu'on est dans son paradis, puis on peut aller où on veut dedans. Et il insiste, Allah subhanahu wa ta'ala insiste pour leur demander est-ce que vous voulez quelque chose. Et il dit, oh Allah, fais-nous retourner sur la terre pour qu'on puisse encore une fois mourir dans ta cause et dans ton chemin pour être martyr encore une fois. Donc ça prouve que les martyrs, eux, sont dans le paradis maintenant, dans des corps d'oiseaux. Jusqu'au jour de la résurrection. D'accord? Mais sinon, ça c'est à propos de ça. Donc, il y a un point que je voulais mentionner justement à ce sujet-là, c'est qu'il y a des, soufias, des gens de, soufias, qui n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort mushrik. Et il y en a aussi même parmi eux qui nient même que le père d'Ibrahim est mort mushrik aussi. Ils n'acceptent pas ça. Et je me souviens même une fois, j'étais allé dans une mosquée pour faire du mois, puis l'imam c'était un Pakistanais, et puis, ou un Bangladesh, en tout cas un des deux, et puis il mentionnait que c'était pas le père d'Ibrahim alayhi salam qui était un mushrik. Il disait que c'était son oncle, et qu'on l'appelle père, par respect, que c'est pas son vrai père. Et ça, bien entendu, c'est clair que c'est faux, parce que c'est clair que c'était réellement son vrai père. Et eux, ils disent ça pour éviter de mentionner que il était parmi les mushrikines. La même chose pour Abu Talib, et la même chose pour le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a dit qu'il était en enfer. Eux, les soufis, ils refusent d'accepter ça, parce que déjà, ils sont en train d'appeler les gens à demander l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, et il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner l'intercession, il peut sauver des gens de l'enfer. Donc il leur demande de sauver. Donc si tu dis que ses propres parents sont pas sauvés, donc ça fait, pour eux c'est une contradiction, comment ils sont pas ses parents, puis il va nous sauver, nous ou d'autres personnes. Donc ils essaient de nier ces hadiths-là qui sont mentionnés à ce sujet. Ouais, c'est, mais c'est une façon dont les Arabes s'expriment. Non. Dans le sens qu'il est dans l'enfer, c'est-à-dire qu'il va être dans l'enfer. Non. Wallahu a'lam. Non. ولكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأبى أن يقول لا إله إلا الله لأن معنى ذلك خلع عبادة الأصنام التي هي دين قومه. فهذا فيه أن الجاهلية الجاهلية قد تحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله. قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فالإنسان لا يؤثر على الدين الحق شيئا. فالإنسان لا يؤثر على الدين الحق شيئا مهما كلفه ذلك. ولا يخشى في الله لومة لائم. وهذا هو الواجب. الحاصل أنه لا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في القلب، فإن انفرد أحدهما لم يكن الإنسان مسلما مؤمنا ولم يكن من أهل الجنة. لشيخ الإكسليك يعني donc il a pas le Abu Talib il a pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il refuse de dire la ilaha illallah parce que s'il dit la ilaha illallah, ça implique qu'il doit abandonner l'adoration des idoles, qui est la religion de son peuple. Et donc, à cause de son attachement à sa culture, à sa tradition, il refuse d'accepter l'islam. Et ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que c'est le cas comme ça. C'est-à-dire, tu vas leur parler de l'islam, tu vas leur expliquer la religion de l'islam et tout. Ils trouvent rien ils trouvent rien dans cette religion-là qui est incorrecte. Ils acceptent tous les principes et les fondements de la foi et de la croyance. Et tu leur présentes les choses et ils acceptent tout. Puis quand tu lui demandes d'accepter l'islam, il ne veut pas l'accepter. Il dit « Ah, mais tu sais, c'est la religion des Arabes, c'est une autre culture, moi j'ai ma culture, je ne peux pas abandonner. Hein. » Il y en a qui vont dire, non, moi je suis québécois, je peux pas devenir musulman, c'est la religion des Arabes. Moi je suis haïtien, je peux pas devenir musulman, c'est la religion des Arabes. Des excuses comme ça. Et c'est des fausses excuses. Ils refusent d'accepter la vérité par attachement à une culture ou une tradition. Moi j'ai même connu des gens qui refusaient d'accepter l'islam parce que ça impliquait pour eux de dire ou de croire que leurs ancêtres n'étaient pas sur la vraie religion. Et à cause de ça, c'est comme pour un prétexte pour pas vouloir accepter la vérité. Et même parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui suivent des formes de bid'a ou des turuq, des voies de d'égarement, comme des voies soufistes ou autres, et quand tu les appelles à suivre la sunna, puis à étudier ou à apprendre le tawhid, et à rejeter les formes de bid'a et de shirk qui sont pratiquées dans ces différentes turuq, dans ces différentes sectes, ils disent non, je ne veux pas accepter que mes ancêtres n'étaient pas sur le haq, et que mes ancêtres étaient par exemple sur une voie d'égarement, non. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, ça voudrait dire qu'ils étaient tous égarés. Donc, ils peuvent pas, ils veulent pas accepter ça. Hein? Et ça, c'est pas une excuse valable pour rejeter le haq, rejeter la vérité, le fait que tes ancêtres n'étaient pas sur la vérité. C'est toi que tu dois te sauver toi-même. Hein? Parce que ceux qui sont morts, c'est fini pour eux maintenant. Et ils ont eu leur test, et Allah va les juger selon ce qu'ils avaient. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Sauve-toi. Sauve-toi ta vie toi-même. Pense pas aux autres qui sont venus avant. Eux, ils vont avoir leur jugement. Toi, tu vas avoir le tien. Tant que c'était pas des mouchriquins, si c'était des musulmans qui avaient des bid'as ou qui étaient pas arrivés au niveau de shirk, ils peuvent quand même demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, puis demander la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Toutefois, si c'était des mouchriquins qui sont morts dans le shirk, ben là, dans ce cas-là, t'as plus le droit de demander pardon pour eux, puisqu'ils sont morts mécréants. Ou idolâtres, mais bon, sinon, les autres, tu peux demander ceux qui sont musulmans. Et le cheikh ensuite, il dit, donc l'être humain, il ne doit pas préférer quoi que ce soit au-dessus de la religion de vérité. Peu importe qu'est-ce que ça va exiger de sa part, peu importe qu'est-ce que ça va lui demander comme exigence, il doit l'accepter et mettre la vérité au-dessus de tout. Rien préféré au-dessus de la vérité, et il ne doit craindre personne autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas craindre le blâme de personne autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est l'obligation pour chacun d'entre nous. Et le cheikh nous dit donc que, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est que pour être un musulman, il faut réunir l'islam, les actions apparentes de l'islam et la foi du cœur. Si un est séparé de l'autre, alors dans ce cas-là, on n'est pas un croyant musulman réellement. Et on ne peut pas faire partie des gens du paradis. Ça veut dire qu'il faut que tu aies ton islam apparent dans la pratique, comme les cinq piliers, et en même temps que tu ailles ta foi dans le cœur, les six piliers de la foi, réunis, un avec l'autre. Tu ne peux pas avoir un sans avoir l'autre, sinon ta foi elle n'est pas complète. Ensuite, le cheikh il dit, « وفي الحديث أن أركان الإيمان التي يبنى عليها ستة أما بقية الأعمال فهي مكملات لهذه الستة ومتممات لها كالصدق في الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال التي هي خارج هذه الستة وهي تابعة لها ومكملات لها. الشيخ الزي dans le hadith il y a également les piliers de la foi sur lesquels. Donc, il y a les piliers de la foi, et ces piliers-là, c'est la base, la fondation sur lesquelles il dit « Al-Hadith anna arkan al-Iman allati yubna alayha sitta ». C'est-à-dire, la base de la foi, elle est de six fondements, de six principes, de six piliers. Et tout le reste des actions qu'on fait sont bâties sur ces piliers de la foi-là. C'est-à-dire que la foi dans l'islam, c'est pas juste de croire en ces six piliers-là, de croire en Allah au jour dernier, de croire en les anges, les messagers, les livres et la prédestination. Ça, c'est les six piliers, mais c'est pas ça seulement la foi. Ça, c'est les fondements de la foi, c'est les bases de la foi. Mais en plus, par la suite, il y a des règles, il y a des principes, il y a des actions, il y a des paroles qui viennent compléter et parfaire cette foi-là. D'accord? Donc quand on parle de la foi à la base, on parle des piliers de cette foi-là, c'est la base, la fondation, mais par la suite, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter à la foi pour compléter et parfaire la foi de quelqu'un. Comme par exemple, le fait d'être sincère et véridique dans notre parole. Quand tu parles, tu dis la vérité. Quand tu vois du mal, tu le changes, tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, tu gardes les liens de parenté, tout ça sont des actions. Et tout ça sont en dehors des six piliers de la foi, mais ça fait partie de la foi aussi. de faire ces choses-là. Quand la femme, par exemple, elle porte son hijab, quand un homme, il laisse pousser sa barbe, tout ça, ça fait partie de la foi aussi. C'est pas les 6 piliers de la foi, mais c'est des choses qui font partie de la foi et c'est, disons, qui vient compléter et parfaire la foi d'une personne. Donc, il ne faut pas se dire, moi je crois en les 6 piliers, donc ça y est, ça suffit. Non, ça c'est la base, mais après tu dois augmenter et compléter ta foi par les actions et par les paroles. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite, également toutes les autres œuvres et toutes les autres actions qui sont ordonnées par Allah et par son messager, donc toutes ces autres actions-là, elles viennent compléter et parfaire la foi. Après le cheikh il dit, Ar-Ruknu al-Awwal, هو الإيمان بالله الركن الأول الإيمان بالله جل وعلا بأن تؤمن بالله واحد بأن الله واحد لا شريك له وأنه هو المستحق للعبادة دون غيره وتؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. Le cheikh dit le premier pilier de la foi, c'est de croire en Allah. C'est-à-dire que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, qu'il n'a pas de partenaire, et que c'est lui qui mérite l'adoration en dehors de toute autre chose qui est adorée par les êtres humains. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et qu'il n'a pas de partenaire et d'associé dans l'adoration, hein, ou dans son royaume, ou dans quoi que ce soit. Il est unique et il ne partage pas son royaume avec personne, c'est-à-dire tout lui appartient à lui seul, et en même temps il est seul dans l'adoration à avoir le droit à être adoré, et également il est le seul à posséder les plus beaux noms et des attributs de perfection. Donc ça c'est yani, les aspects de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis que tu crois en Allah dans l'islam, ça comprend ces trois choses-là, hein, ces trois aspects-là, et si tu n'as pas les trois ensemble, c'est-à-dire que tu n'as pas cru en Allah, tu n'es pas un vrai croyant. Tant que tu n'as pas reconnu et accepté ces trois choses-là. Tawhid al-Rububiyya, et al-Rububiyya ça vient du mot Rab. Et Rab, c'est-à-dire le Seigneur, le Maître, le Tout-Puissant, le Créateur, le Pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir, et qui contrôle tout dans l'univers. Et il n'y a personne qui contrôle rien avec lui. C'est lui seul qui contrôle tout. Donc ça c'est al-Rububiyya, ça vient de Rab. Hein, c'est une catégorie de tawhid que tu dois affirmer et à laquelle tu dois croire. La deuxième catégorie, ou le deuxième aspect de la foi à Allah, c'est tawhid al-uluhiyya. Et uluhiyya, ça vient du mot ilah. Le mot ilah, c'est-à-dire al-ma'boud. Ilah, c'est-à-dire al-ma'boud, c'est-à-dire celui qui est adoré par les hommes. Hein? Et ilah, en principe, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le soleil, la lune, ça peut être les anges, ça peut être les êtres humains, les saints, les tombes, les pierres, ça peut être les croix, les statues. Mais toutes ces différentes aliha, ça peut rien de ilah, c'est aliha, toutes ces différentes aliha sont des fausses divinités qui ne méritent pas d'être adorées. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul. Pourquoi? Parce que c'est seulement Allah qui a les caractéristiques et les attributs de perfection qui font qu'il est apte à être adoré, parce qu'il est l'être parfait, l'être absolu, le tout-puissant, le maître, le créateur, le pourvoyeur, hein, celui qui contrôle tout. Donc c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et donc ça c'est le deuxième aspect de la foi en Allah. Si tu n'as pas adoré Dieu seul, tu n'as pas cru en Allah. Même si tu dis je crois qu'il y a un Dieu qui existe, je reconnais son existence, mais tu n'as pas adoré lui seul, tu n'es pas un croyant. C'est comme si tu n'as pas cru que Dieu existe. C'est équivalent à dire Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une mécréance aussi grave et aussi grande que de nier son existence. Tu reconnais son existence, mais tu adores d'autres avec lui. Et tu associes d'autres avec lui dans l'adoration. Ça aussi, c'est une forme de mécréance. Et il y a une autre catégorie aussi des aspects qui font partie de la foi en Allah, c'est Tawhid al-Asma al-Sifat. De croire en Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même dans sa révélation. Et de lui affirmer tout ce qu'il s'est affirmé comme nom et comme attribut, et de nier tout ce qu'il a nié comme nom et comme défaut, comme imperfection. Hein? Dans le Coran et dans la Sunna, tout ce qu'il s'est affirmé, on l'affirme, tout ce qu'il s'est nié, on le nie, Hein? Parce que ce sont, s'il a nié quelque chose, c'est une imperfection, c'est un défaut. Et donc c'est pour le nier. C'est pour exalter Allah et respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la foi en Allah. Ça implique beaucoup de choses bien entendu, mais ça c'est un résumé. Hein? Donc le cheikh il dit, Allah il a... Non, non. 99 non, c'est 99 non, et les attributs, il y en a plus, il y en a beaucoup d'autres encore. C'est pas, ça rentre pas dans les noms. Mais chaque nom, les noms impliquent une attribut. Mais les attributs n'impliquent pas nécessairement un nom. D'accord? C'est ça. C'est ça. Comme par exemple, tu vas dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim, l'omniscient. Eh ben, l'omniscient, ça implique qu'il a l'attribut de la science. Tu vois? Ça c'est l'attribut qui vient avec ce nom-là. Al-Khaliq, c'est le créateur. Il a l'attribut de Al-Khalq, il peut créer. Tu vois, donc c'est ça. Mais il y a des attributs qui ne sont pas reliés à des noms. Comme tu dis par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Un attribut d'Allah. Tu vois, mais ça, ce n'est pas un nom. Ou bien qu'il est, par exemple, supposons qu'il est, ouais, c'est ça, comme quand il est en colère contre certaines de ses créatures, comme quand il dit qu'il est en colère contre les juifs ou contre les mécréants, eh ben on va pas l'appeler celui qui est en colère, par exemple. C'est pas, ça fait pas partie de ses noms. Ou bien Al-Makir, bon, on va pas l'appeler Al-Makir, tu vois, parce que yamkur, Allah dit dans le Coran, wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khayrul makirin. Donc, on va pas, bon, il est khayrul makirin, mais on va pas utiliser ça de cette manière-là. Pourquoi? Parce que si tu le dis de cette manière-là, ça fait pas nécessairement une glorification. Comme les ulama ont expliqué que ces attributs-là sont utilisés toujours par rapport à la rétribution qu'Allah donne à ceux qui méritent, ces punitions-là ou cette rétribution-là par rapport à une mauvaise action qu'ils ont faite. Comme par exemple celui qui ruse, Allah il ruse contre eux. Exactement. Donc, ça c'est par rapport au nom et aux attributs d'Allah. Bon, ensuite le cheikh il dit donc, فَلَا يَكُولُ الْإِنسَانُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِالتَّحْقِقِ هَذِهِ الثَّلَاثَ وَلَيْسَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ كَمَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ أَوْ كَثِيرٌ مِّنْ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ هُوَ الْإِيمَانُ بِوُجُودِ اللَّهِ فإن هذا ليس هو الإيمان بالله فلا يكفي الإيمان بوجود الله عز وجل وإنما الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وإن نقص شيء مما لم يكن مؤمنا وإن نقص شيء منها لم يكن مؤمنا بالله لشيخ الزيدان ك Pour que quelqu'un soit réellement croyant, il faut qu'il ait réalisé et compris comme il faut la réalité de ces trois aspects du tawhid. Si quelqu'un n'a pas réalisé les trois aspects de ce tawhid-là, il n'est pas croyant. Et la foi en Allah, c'est pas comme certains le prétendent parmi ceux qui n'ont pas de science, qui disent la foi en Allah, c'est de reconnaître ou de croire que Dieu existe. C'est pas ça la foi en Allah. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont débattre avec des athées ou débattre avec des scientifiques pour essayer de leur dire Dieu existe et les preuves de la logique pour montrer qu'il y a un être suprême qui existe, qui a créé le monde et qu'il y a un créateur. C'est pas ça, là, c'est pas suffisant ça, de reconnaître ça pour être un croyant et pour avoir la foi en Allah, comme on l'a expliqué. Parce que même s'il reconnaît l'existence d'Allah et puis que par la suite il associe d'autres avec Allah dans son adoration, il est un mouchrik. Ou s'il n'adore pas du tout Allah, il dit, je reconnais qu'il y a un Dieu qui existe, mais je ne l'adore pas. Et j'adore pas non plus les idoles, j'adore pas non plus les images, j'adore rien du tout. Ni Allah, ni autre qu'Allah. Aussi c'est un mouchrik, un kafir, c'est un kafir aussi. Parce que même s'il n'adore pas les idoles, il n'adore pas des images, il n'adore rien, mais il n'adore pas Allah. Hein? Donc ça aussi c'est une forme de mécréance. Et ils ne croient pas non plus en les attributs d'Allah. Hein? Il y en a qui reconnaissent l'existence d'un créateur, Mais ils disent, il a seulement la création. Il a créé tout, puis après, il ne fait plus rien. C'est juste, disons, la première source de la création. C'est lui qui a créé tout. Puis après ça, le monde se organise tout seul. Parmi les déistes, il y en a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. On les appelle les déistes. C'est les philosophes des Lumières. Ils reconnaissent l'existence d'un être super, suprême. Mais ce Dieu-là, pour eux, n'a aucun attribut. Comme les Mu'tazila et les Jahmiya. C'est un Dieu abstrait qui ne fait que créer seulement. Mais il n'a pas de volonté, il n'a pas d'amour, il ne déteste pas ceux qui désobéissent à ses ordres, il n'a pas de sagesse, il n'a pas envoyé des messagers, il n'a pas envoyé des livres, des révélations, hein, il n'a pas créé le monde pour un but ou pour un objectif noble, hein, c'est juste, il fait les choses comme ça, puis c'est tout. Donc ça, c'est pas le Dieu tel que Allah s'est décrit. C'est pas Allah tel qu'il est lui-même, tel qu'il s'est révélé, par l'intermédiaire de ses messagers et de sa révélation. Ça, c'est un Dieu qu'ils se sont inventés eux-mêmes et qu'ils ont décrit selon leur passion et leur désir, et c'est tout. Hein? Donc, c'est pas juste de dire je crois en un Dieu et l'existence d'un être suprême. Non, c'est de croire en Allah et de croire en Allah tel que Allah a dit comment lui il est, pas comment toi tu veux l'imaginer. Et c'est ça le problème, comment beaucoup de gens de Bid'a, comme les Mu'tazila, Jahmiya, Asha'ira, Maturidiya et les gens de Kalam, ils affirment l'existence d'Allah, mais un Dieu tel qu'ils se l'imaginent eux, et selon leur logique et leur raison à eux, et ils veulent définir et limiter Allah selon leur intelligence et leur compréhension personnelle. Et ils établissent des règles logiques qu'ils prétendent être logiques ou philosophiques, et ils veulent dire Dieu, il est comme ça. Et tout ce qui est en dehors de nos règles, qu'on retrouve dans la révélation, on ne l'affirme pas ou on le déforme dans sa signification et dans son sens. C'est ça le danger de ces croyances d'égarement par rapport au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien les chrétiens par exemple qui disent oui, on croit en Dieu, sauf qu'il est trois en un. Hein, le divise. Et, ou bien ils croient qu'il s'incarne en un homme qui peut devenir humain. Comme les hindous qui croient que Dieu devient un homme. Il les appelle les avatars. Il y en a qui font ça parmi eux. Ils croient qu'il y a des hommes, quand ils sont saints, ce sont des incarnations de Dieu, des avatars, comme différents dans leurs idoles, dans leurs dieux, ce sont des hommes qu'ils ont cru être des incarnations divines, comme les chrétiens ont cru que Jésus est une incarnation divine. Et puis, il y en a parmi les musulmans qui croient que le shirk des chrétiens, c'est juste ça, de dire que Dieu a un fils, ou qu'il est trois en un. Mais ils ne croient pas que le fait d'adorer Jésus ou Marie, ça fait partie du shirk. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils adorent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils adorent des saints en dehors d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils adorent des tombes. Et ils disent, ça c'est pas grave, ça c'est pas shirk. Le shirk, c'est si tu dis, Dieu est trois en un, ou Dieu a un fils, ça c'est shirk. Mais si tu dis pas ça, c'est pas grave. Tu peux adorer d'autres que Allah. Et ça c'est, bien entendu, c'est de l'égarement. Donc c'est ça. Le shirk dit que pour que tu sois un vrai croyant en Allah, il faut que tu aies réuni ces trois aspects de tawhid là. Et c'est pas juste de croire en ar-rububiyya. Il faut que tu crois en Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya et Al-Asma wa Sifat. Et si tu as une de ces aspects-là qui est déficiente, ou qui a un problème, ou qui n'est pas complète, alors tu n'es pas un croyant. Tu n'as pas cru réellement en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux être un croyant en Allah, il faut respecter ces trois choses-là. D'accord? Donc si vous allez parler avec n'importe qui par la suite, vous allez lui expliquer la foi en Dieu dans l'islam, eh bien, vous devez l'expliquer de cette manière détaillée. C'est quoi la foi en Dieu? Parce que toutes les religions au monde, quand tu parles avec des gens qui disent « moi je suis de telle ou telle religion », eh bien, ils croient tous en Dieu, ils disent tous croire en Dieu. Et pour les koufars, ils disent « ah, de toute façon, toutes les religions c'est pareil, et notre but c'est tous le même, c'est de plaire à Dieu puis d'adorer Dieu ». Oui, mais c'est qui Dieu? Ça, c'est le premier problème. Parce que toi, tu dis, je crois en Dieu. Moi, je dis, je crois en Dieu. Le bouddhiste, il dit, il croit en Dieu. Ou bien l'hindou, il croit en Dieu. Le chrétien, il croit en Dieu. Même des athées qui disent parfois qu'ils croient en Dieu. En un Dieu. Mais c'est qui ce Dieu-là? C'est ça le problème. Avant de l'adorer, tu dois le connaître. Hein? Donc, ça, c'est la première priorité de leur faire comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on doit croire en lui. Tu peux pas rentrer dans une discussion avec n'importe quelle personne. Tu peux pas rentrer dans la discussion de la foi en l'islam sans lui expliquer cet aspect-là. Et les trois catégories de tawhid qui composent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible que tu fasses da'wah à quiconque parmi les non-musulmans, même parmi certains musulmans, sans que tu leur explique comme il faut ces trois aspects de tawhid. Hein? Puis c'est pas obligé que tu leur mentionnes tawhid al-rububiyya wal uluhiyya wal asma wa sifat et que tu leur expliques de cette manière, mais tu peux leur expliquer en résumé les trois aspects de tawhid sans les mentionner. Hein? Comme tu peux leur dire par exemple, il faut croire que par exemple, Allah c'est le créateur, le pourvoyeur, le seul maître de l'univers et que si tu as accepté ça, donc que tu l'adores lui seul. C'est comme l'autre jour, on est allé manger dans un restaurant, moi et le frère. Et la femme qui est venue nous servir la nourriture, elle a mis un pot de piment sur la table. Quand elle est venue pour chercher le piment, j'ai pris le pot pour lui tendre le pot pour qu'elle le prenne. Elle a dit non, mets-le sur la table. J'ai dit pourquoi? Elle dit non, mets-le sur la table. Je l'ai mis sur la table. Elle a dit, parce que si je le prends dans tes mains, c'est pas bon. J'ai dit, comment ça? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Elle a dit, après je vais t'expliquer. Elle pouvait pas l'expliquer parce qu'il y avait d'autres clients, elle était occupée. Elle est partie, quand elle est revenue, elle a dit, je peux pas te prendre le pot dans ta main, parce que si je prends le pot dans ta main directement, ça va faire des problèmes entre nous. Alors quand elle a dit ça, j'ai dit oui, c'est des superstitions. Alors, quelqu'un, non, c'est pas pour la main, non, c'est pas pour la main. C'est une femme musulmane, d'accord, mais elle connaît pas vraiment bien sa religion. Donc nous, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître de l'univers, qu'il a le contrôle sur toute chose, d'accord, et que ce pot de piment là, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas te nuire, il ne peut pas te profiter. C'est de la matière, c'est du verre, c'est des piments qu'il y a dedans, c'est composé de molécules, d'atomes, hein, c'est de la matière. Et la matière elle-même, elle n'a pas de pouvoir de contrôler quoi que ce soit de bien ou de mal. Alors comment ce pot-là peut te faire du tort ou du mal? Si je le donne dans la main de la personne, quel mal qui peut me venir à moi si je crois avec fermeté et sincérité dans mon cœur que rien ne peut me nuire ou me profiter excepté le créateur de l'univers, le maître de toutes choses, que c'est lui seul qui peut me faire parvenir un bien quelconque ou éloigner un mal quelconque de moi. Si j'ai cette conviction-là en moi et si j'ai cette foi-là en moi, comment alors je me laisse influencer ou croire que ce pot-là qui n'a aucun pouvoir en lui-même, que si je le pousse il va tomber, il va se casser? Hein? Comment lui il peut me faire un tort ou faire du tort entre moi et la personne alors qu'il est une matière inerte, hein? Donc ça c'est une explication pour montrer qu'il y a des gens qui ont une aqida, qui croient que quelque chose a un pouvoir de faire du mal ou du bien alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Non, mais en fait pourquoi? C'est parce que ces gens-là, c'est souvent, ils n'ont pas étudié l'islam, ils n'ont pas étudié le tawhid ou l'aqidah. Donc, c'est des traditions qui sont répétées. On appelle ça dans l'islam, at-tatayyur. En arabe, at-tatayyur. C'est-à-dire, dans les mariages et dans d'autres choses, même dans les choses de la vie de tous les jours, c'est un mauvais signe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle tatayyur. Et c'est du mauvais présage, hein, des mauvais présages de croire que si certaines choses se produisent dans la création d'Allah, ou si quelque chose arrive, que ça inspire le mal, ou que ça va amener du mal. Et ça, c'est une forme de shirk. ça peut être une forme de shirk majeur ou mineur, ça dépend de la croyance de la personne dans son cœur. D'accord? Si elle croit que la chose en elle-même, elle a un pouvoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est une shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Et si elle croit qu'elle n'a pas un pouvoir par elle-même, mais que c'est une cause de malheur qu'Allah a créé, dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk mineur. Puisqu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, pour justifier de dire que si quelqu'un prend un pot de piment et qu'il le donne à une autre personne, que ça va causer des conflits entre les deux. Hein? Il n'y a aucune preuve de ça. Ça ne vient pas de la révélation. Ça vient pas de... Et il n'y a aucune preuve scientifique non plus pour montrer ça, pour démontrer cette chose-là non plus. Il n'y a pas d'expérimentation ou d'expérience qui a été faite pour approuver ou justifier de ça scientifiquement. Donc, pour dire une chose pareille, il faut avoir des preuves. Et étant donné qu'il n'y a pas de preuves, donc ça c'est une forme de shirk mineur. Non, la personne, qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est qu'elle a juste monté ses épaules comme ça, hein, en voulant dire, comme si c'est comme ça, hein, comme si en voulant dire, elle comprend pas, oui, elle comprend pas le lien entre l'aqida et les superstitions comme ça. Parce que pour elle, c'est comme pas nécessairement relié. Parce que beaucoup de musulmans, ils savent qu'ils disent, on est musulmans, on croit en l'islam, mais ils savent pas tout ce que ça implique de croire en l'islam. Et ils comprennent pas que le fait d'être musulman et de croire en l'islam et de croire en le tawhid, ça implique et ça rentre dans même des aspects de la vie de cette catégorie-là. Tu comprends? Donc c'est ça le malheur. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer les musulmans. Et c'est pour ça qu'il faut enseigner aux musulmans le tawhid. Et c'est pour ça qu'il faut prendre son temps pour faire la da'wa et vraiment bien prendre le temps de faire comprendre à tous les musulmans la réelle signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et les autres aspects de l'islam et de l'aqidah. Parce qu'il y a un manque sur ce plan-là, dans ce sens-là. Donc, ça c'est des exemples. Donc le temps est arrivé, on va s'arrêter ici. On n'a pas fait beaucoup, mais on a fait quand même beaucoup. On a fait quelque chose. Donc de toute façon, les sujets dont on a parlé aujourd'hui, c'est des sujets vraiment fondamentaux, des choses de base, très très importantes pour chaque musulman. Personne ne peut s'en passer de ces compréhensions-là. Et ça, c'est des choses, malheureusement, tu vas aller dans, je pensais à ça justement, je me dis, comme il y a des jeunes qui organisent des cours, ils parlent de l'islam, ils parlent de la religion, mais ils ne parlent jamais des choses de base, comme ces choses-là, par exemple, gardent les jeunes dans l'ignorance au sujet de ces choses-là. Donc, vraiment, c'est triste. Et, on va terminer, puis on va, لسي الأفاق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.